La pièce de 10 sous. Scène de la vie de trottoir par Émile Bergerat. La première fois que j'y descendis, où ? Sur le trottoir, dit-elle. Je la regardais, ne comprenant pas. Elle, sur le trottoir, cette belle créature de Dieu, morceau de prince ou de multimillionnaire, qui n'avait qu'à dégrafer, comme Frinet, sa chemise pour que les plus grands artistes tombassent à ses pieds, et dont l'hôtel, avenue du Bois, semblait un palais d'ambassade, elle avait fait sur l'asphalte, d'un réverbère à l'autre, les 100 pas de la basse prostitution. Alimentaire, oui, mon petit. Et tu sais, ce n'est pas drôle. Et, se disant, elle se laissa tomber sur la peau d'ours du divan, et, la tête basse, les mains enfoncées dans le buisson d'or de ses cheveux de valkyre, elle s'hallucina d'abord, les yeux fixes, sur les choses du passé, qui passaient. Il roule, le trottoir roulant. Ah, comme il roule! Mais que veux-tu? Il faut bien débuter. Et elle se redressa, et s'assit toute souriante. Son mot de fataliste à la blague l'égayait elle-même. Débuter! Dans quel art! Ce qu'il y a d'épatant, reprit-elle, c'est que je me les rappelle tous, tous, tous, et les vieux et les jeunes. Je les reconnaîtrai. Qui, Géraldine? Les anonymes du trottoir roulant. Écoute, tu sais si je suis féministe. Non, pas ça, c'est trop bête. Faites pour aimer, les filles d'Ève, tout le temps. Oh, les femmes cochères, comme les portes du même nom. Crevant à voir. Mais entre nous, de poète à courtisane, vous nous la faites trop dure tout de même. Les 100 pas, le soir, l'estomac vrillé par la faim, les pieds confits à glace, c'est de la retraite de Russie, ce n'est pas de la République. Si le Père éternel est juste, comme je le crois sur celle de ma mère, il n'en refusera pas une au paradis. Et sais-tu pourquoi, Iroquois? Je ne m'en doute pas, cher ami. Parce que vous les insultez lâchement, avant et après, quelquefois pendant, quand vous ne les volez pas de leurs pauvres 5 balles. Et ça, c'est trop, tas de mufles que vous êtes. Le Créateur ne veut pas. Sois assuré que pour mon compte, c'est toi qui le dis. Mais tu es de ton temps. La retapeuse te dégoûte. Et non seulement elle te dégoûte, mais tu en rigoles, comme une oie, sans savoir, sans comprendre, sans deviner qu'elle est... 1, 2, 3, la plus brave de toutes les femmes. Et les mains campées aux hanches, le regard haut et droit, elle me lança ce « qu'il mourut » en plein visage. « Ça perd les popettes, fis-je. Il y a un proverbe turc qui dit « aime les hommes à leur misère ». C'est un bon roi qui me l'a appris. T'as comment 5, du temps que j'étais sa gouvernante. À présent, causons. Si l'histoire, avec son grand H, comme les tours de Notre-Dame, n'est pas l'art d'embêter les vivants avec les morts, il y a eu de ces règnes où les princes et les évêques ne parlaient que chapeau tiré aux plus vils étaillés. On n'en faisait pas moins, tu parles, du 110 à l'heure au train de la noce, haute ou basse selon la classe, et les bourgeois d'alors, comme ceux d'aujourd'hui, jusqu'à cette crapulosophie qui est le comble à la fois et la base de l'édifice social. Mais je me suis laissé dire que, levant ou levé, au coin de la borne ou sous l'arcade des portes, aucun Français de France, fût-il saoul comme la Pologne, n'oubliait que nous étions du sexe auquel on doit, premièrement sa mère, deuxièmement ses enfants, et troisièmement Madame Jeanne d'Arc, d'assez respectable mémoire. Or, ceci se passait 100 ans avant la naissance de Cambronne. Ah, Géraldine, que veux-tu dire ? Tu le devines. Donc, la première fois que j'y descendis, sur le trottoir. Mais il faut encore que tu saches comment j'y étais descendu. C'était à 4 pattes pour ta gouverne, de degré en degré par l'escalier de service. Je ne te la ferai pas à la fille d'un colonel retraité de l'Empire élevé par un pasteur protestant, du catéchisme de mon culte. Il y avait belle lurette que j'avais perdu le coquillage, et que j'étais dans le commerce. Mais jusqu'alors, si je m'étais laissé aller de bras en bras, c'était pour y entendre tic-taquer des cœurs dans de beaux torses. Je n'en étais pas à la voiture ambulante de fleurs, ni au bateau, je te le jure. Et puis je n'étais pas laide du tout. Affiche-toi non, que je n'étais pas laide, va. Et voilà qu'un jour je le devins, ou plutôt je crus l'être devenu. Un sale rhume soigné par le mépris. Pleurésie, hôpital, lâchage du monsieur en titre et des intérimaires, toute la dégoulinade, et pas un sou à la caisse d'épargne. À ma sortie de la maison Dieu, j'étais rentré dans la mienne. Vite, un coup d'œil au miroir. Plus rien, ni ici ni là. Une figure de déterré, un corps à tenir dans un fourreau de parapluie. Fichu, la Géraldine. Tu vaux 100 sous, me dis-je. Allons-y. Pauvre fille. Tu dis ça parce que tu me vois aujourd'hui dans le million et les honneurs, et que je suis arrivée. Mais si tu m'avais rencontré ce soir-là, rue Saint-Marc, sous les colonnes, tu ne me les aurais même pas offert, toi, les 50 centimes. Quels 50 centimes? Est-ce que je ne te les ai jamais montrés? Attends un instant. Elle disparut dans sa chambre et en revint avec un médaillon d'or bruni en forme de reliquaire qu'elle me tendit. Regarde. Et j'y vis, en effet, une vieille pièce de 10 sous qui, sous le verre, me parut usé à n'en plus avoir d'effigie. J'ai toujours eu l'appétit que tu me connais, et quand je soupe d'abord. J'avais si faim ce soir-là que j'en étais verte et que j'en tremblais sous les portiques. Il y a bien un remède, mais il ne se vend pas chez les pharmaciens et les chinois. C'est le foot à l'eau, et on vous repêche. C'est pour te dire si j'étais amorçante. Et tous ceux que j'abordais, comme une chatte, s'escampativaient-ils à la file, les uns brusques, les autres railleurs, tous en palefreniers de la décadence. Ah, nous y étions bien à 100 ans après Cambronne, et je miaulais dans la rue Saint-Marc. Tout à coup, de celle du cardinal, un prêtre déboucha. C'était un homme de 60 années environ, à longue boucle grise, qui tâtait le trottoir avec son parapluie, comme font les aveugles, et à qui il manquait certainement un chien pour le conduire. Il regardait à droite et à gauche, et paraissait comme perdu dans le quartier. C'était visiblement un curé de campagne. On peut ne plus aller à la messe et respecter ceux qui la disent. J'ai fait ma première communion, je la ferai encore. Qu'est-ce que tu as à rire? Ne te fâche pas, ce n'est que de la situation. Idiot! Ah oui, tu en es bien un de ton temps. Je m'étais dissimulé derrière une colonne. Je te la montrerai, elle y est encore, pour laisser passer le saint bonhomme. Mais ce fut lui qui vint à moi. Madame, salua-t-il d'abord en se découvrant. Puis il s'arrêta et reconnaissant sa méprise. Mon enfant, suis-je loin de la rue Saint-Honoré, ou du moins dans la direction? Vous lui tournez le dos, mon père. Ah, mon Dieu, que Paris est changé depuis ma jeunesse. Excusez-moi, mademoiselle, et merci. Il me salua de nouveau et s'éloigna, en godillant, avec son parapluie. Je ne pus me retenir. Il m'avait appelé madame, mon enfant, mademoiselle. J'en avais jusque dans l'âme. Je lui courus après irrésistiblement. Monsieur le curé, la rue Saint-Honoré, c'est la mienne. Vous avez de mauvais yeux. Permettez-moi de vous y conduire. Il se mit à rire. Et pourquoi pas? Je suis ministre de Jésus-Christ. Allons, Madeleine. Mais c'est moi qui vous mettrai chez vous. Et nous marchâmes côte à côte, comme un père et sa fille. Je ne pouvais dire un mot et mettre un son. Je n'avais plus de salive et ma faim même était passée. Arrivé devant la maison où je logeais, en effet, je l'arrêtai. Est-ce ici? Demanda-t-il avec douceur. Je suis heureux d'avoir pu vous escorter sans encombre. Mais vous devez avoir des pauvres. Qui n'en a? Je suis à Paris pour les miens. Obligez-moi d'accepter ceci pour les vôtres, ou je croirai que je ne suis pas un bon cavalier et que je ne sais plus protéger les dames. Et il me ferma la main sur les 10 sous, les mêmes que tu tiens là dans ce reliquaire. Lu par Sabine, pour Audiocité, sous la licence Art Libre.